Il continue sur la page Facebook, c'est vous qui le dites. À demain et très bon lundi. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Et les infos vous sont présentées par Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour, une explosion violente ce matin à Plombières, près de Penne. Elle a ravagé une habitation, mais en ne faisant qu'un blessé léger. Les pompiers sont toujours sur place et on ne connaît pas encore la cause de cette explosion. Le débat à la Chambre sur les mesures budgétaires décidées par le gouvernement fédéral. Partie de la majorité et de l'opposition se suivent au perchoir. La majorité qui va devoir montrer qu'elle parle d'une seule et même voix. Le vote de confiance est prévu demain en début d'après-midi. L'issue sera décisive dans la guerre contre les djihadistes, commente Washington. La bataille de Mossoul en Irak a débuté. Mossoul, deuxième ville du pays, elle est le bastion du groupe terroriste État islamique en Irak. Les djihadistes y seraient entre 3500 et 4000. Comme l'armée irakienne, ils se préparent depuis des mois. Les Irakiens ont été épaulés par la coalition internationale. Les soldats vont tenter dans un premier temps d'encercler la ville. Seule l'armée et la police irakienne pourraient ensuite entrer dans Mossoul. Milices et combattants kurdes, les Peshmerga resteront à l'écart. Certains sont très redoutés par les civils. Au Niger, l'attaque contre une prison abritant de nombreux islamistes. Le ministre de l'Intérieur assure que l'assaut a été repoussé. La sonde européenne et russe TGO a changé de trajectoire la nuit dernière. Un écart prévu. Il va lui permettre de se mettre en orbite autour de Mars dans 48 heures. Sans ce changement de route, la sonde allait percuter la planète rouge. C'est la deuxième fois que l'Europe cherche à atterrir sur Mars. La météo, il a plu cette nuit sur l'ouest et le centre du pays, mais on revient à un temps plus sec pour la journée. 14 à 17 degrés pour les maxima. Demain, le ciel se couvrira assez vite sur l'ouest. Et les températures seront en baisse, on ne dépassera plus 11 à 14 degrés. À Caroline Gilet, de très longues files tout à l'heure sur l'autoroute 19, est-ce que ça s'arrange? La tendance est à la baisse, tout de même on a perdu plus d'1h40 tout à l'heure sur le 42 qui fait Namur-Mons suite à un accident autour de l'Heureux sur le 19. Pour le moment, vous ne perdez plus que entre guillemets 45 minutes, donc moins de soucis, mais tout de même la chaussée est encore entravée, donc c'est un problème de longue durée. Si vous venez de Namur, quittez le 42 à hauteur de Gouy. Si vous venez de Bruxelles, quittez l'autoroute à hauteur de Famille-Heureux. Sur le 40, Bruxelles et Liège, un accident s'est produit également, c'est à hauteur de Christenay. C'est en voie de droite en direction de la Cité Ardente. Sur le ring, les derniers ralentissements, circulation intérieure entre Grimbergen et Vilvoorde vers Zaventem. En circulation extérieure entre Woluwe et Saint-Etienne et Diguem en direction de Vilvoorde. Dernière file aussi dans le tunnel Delta vers le centre, dans le tunnel Louise vers la Basilique, dans le centre de Bruxelles. Et puis un chantier qui vous ralentit toujours, c'est sur le 403 Bruges tournée à Blandin. Des files sur 5 km, 40 minutes supplémentaires encore en direction de Tournai. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Elle a pris les commandes de l'émission. Vous retrouvez Aurore Salzano, on n'est pas des pigeons. Merci Delphine. Prochain rendez-vous d'info, c'est à 12h. Chez Cora, un ours en plus de 1 mètre de haut à 14,95€. Ça fait pas cher le gros câlin. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons. Et bonjour tout le monde, bonjour la petite équipe. Bonjour. Oui, c'est Girl Power aujourd'hui. Sébastien, voilà, est un petit peu souffrant, mais il devrait être de retour et assez vite. Et quand un homme est souffrant, il est toujours à la mort, hein, c'est bien connu. Écoutez, hein. Il a voilà. Au moins, c'est ça, quelque chose de très très grave, on s'en doute. Alors Annie, justement, on va parler de médiation aujourd'hui oui, avec vous. Oui, vous savez que la vie est belle et grâce aux médiateurs, il paraît qu'on peut tout arranger. Il n'y a plus de problème. Et quand ça, il y en a, bien. On se met autour de la table, on discute, mais il y a médiateur, médiateur, on parle d'ombudsman, de conciliateur, mais que c'est que ça. Et donc, on en a un vrai, un bon. S'il était au gouvernement, à mon avis, il n'y aurait plus de soucis. Mais on l'a pris avec mais voilà, nous. Michel Gondac est avec nous, voilà. Médiateur et avocat. Alors, Isa, avec vous, dans le journal de la Cosso, on va parler d'une piscine un petit peu particulière. Elle a ouvert ce week-end à Charleroi. Oui, et c'est une piscine pour les chiens. Alors en fait, donc, si votre chien aime nager, bien vous pouvez aller nager avec lui dans cette fameuse piscine. Et c'est justement notre question sur la page Facebook. Mais oui, on vous demande, est-ce que vous pourriez emmener votre chien dans une telle piscine? On vous rassure tout de suite, hein, il n'y a pas 15 000 chiens, vous êtes seul avec votre chien dans la piscine. Donc, est-ce que vous pourriez emmener votre chien dans ce style de piscine ou bien est-ce que cela vous semble farfelu? Donc, vous pouvez réagir sur notre page Facebook, vous pouvez aussi réagir par SMS au 30 63 50 cents le message. Il y a aussi le mail pigeon au pluriel @rtbf.be. Et enfin, si vous ne voulez vraiment aucun de ces moyens de communication, il y a toujours notre répondeur 070 222 660. Et ben voilà, comme ça tout est dit. François, lui, sera en direct de Paris pour le CIAL, c'est le Salon International de l'Alimentation. Un énorme salon se dessine les tendances en matière d'alimentation. Voilà pour le contenu, mais il y aura aussi de la musique, bien évidemment. Avec notamment Alex Germi, ça va mieux comme ça. Et il y aura aussi un souvenir. Avec les fans Young Cannibals. Et en chœur, vous avez un petit peu entendu Annie aussi. Vous écoutez Vivacité, on est ensemble jusqu'à 13h. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. C'était Spirit sur Vivacité. Votre courrier est arrivé. Oh, nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Et vous avez fait plein de choses ce week-end. Vous avez notamment écrit et réagi sur notre page Facebook. On vous parlait du respirianisme. Alors c'est un mouvement qui prétend qu'il suffit de lumière pour se nourrir. On comprend bien qu'une telle doctrine peut être dangereuse. Il y a déjà eu des morts parmi les adeptes. Et ça vous a fait réagir, Isabelle. Oui, comme Mélissa qui nous écrit « Je connais une fille, elle m'a présenté un mec qui fait ça. Il est tout maigre, parle exagérément lentement. Elle me disait « Écoute, comme sa voix est vraiment apaisante, il me fait un tel effet. » Mais non, en fait, ce gars, c'est juste qu'il n'a plus d'énergie. Alors Kim lui dit, mais voilà, Kim, il ou elle, voilà un super régime, moi qui cherchais à perdre quelques kilos, blague à part, ce qui est le plus effrayant là-dedans, c'est qu'il y a des gens assez faibles d'esprit pour croire ça, mais il y a quand même une personne sur notre page qui défend le respirianisme, c'est Christine. Elle trouve que l'enquête était courte, superficielle, bâclée, avec parti pris évidemment. Votre émission, dit-elle, est très intéressante en tant que magazine du consommateur à propos des prix et de toute autre chose bien terre à terre. Pour le reste, vous devriez vous abstenir sur des sujets plus délicats. On rappelle quand même qu'il y a eu des morts, c'est pas nous qui l'inventons. L'info est confirmée par une responsable du Centre d'information sur les sectes nuisibles. Voilà, effectivement. Et la semaine dernière en télé, on évoquait Adblock. C'est un logiciel qui bloque la publicité quand vous surfez sur Internet. Et on vous demandait votre avis à ce sujet. Eh bien, vous nous l'avez donné. Et oui, Geoffrey nous dit qu'il l'utilise. Adblock Origin, qui selon lui est plus efficace que Adblock. Toujours selon lui, Adblock serait à la solde aussi de Google. Voilà, ça c'est une info donnée par Geoffrey. Frédéric lui trouve dommage qu'il n'existe pas un bloqueur de pub pour les radios. Parce que, dit-il, entendre toutes les 3 minutes la même pub, c'est plus du matraquage, c'est carrément du harcèlement. Mais à cela s'ajoute la réflexion de Janine. Elle dit, si vous avez envie que tous les sites et tous les logiciels deviennent payants à l'avenir, eh bien, bloquez toutes les publicités. Mais ne venez pas vous plaindre après, parce que c'est la pub qui paie, et puis vous n'êtes pas obligé de la regarder, et encore moins d'acheter ce qu'elle vend. Voilà un beau débat sur la publicité. Et puis on a reçu un mail aussi, un mail de Solange, au sujet du sauvetage des poules pondeuses. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un sujet dont on vous avait parlé il y a quelques semaines, et qui avait ému beaucoup de personnes. Oui, et alors Solange, elle nous propose de participer à un sauvetage de poules urgent. Il s'agit d'un élevage de poules blanches en cage qui va cesser ses activités. Il se trouve à Tine. La fermière s'est mise d'accord avec l'association qui pourra récupérer les poules la semaine de Toussaint. Donc c'est du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre. Donc si vous voulez vous sauver des poules, vous pouvez appeler Solange. Solange qui nous demande même de donner son numéro d'appel 0497 62 00 89 et elle vous expliquera alors tout ce qu'il faut savoir. Et bien justement ce qu'il faut savoir, ça veut dire que par exemple je pourrais aller chercher une poule. Donc la ramène chez moi. C'est plus compliqué. Il y a une association qui va s'en charger. Donc Solange va faire l'intermédiaire. Donc on va rappeler son numéro de téléphone 0497 62 00 89. Et Annie, comme ça, vous pourrez avoir une poule chez vous. Ben oui. Si vous aussi voulez communiquer avec nous, Isa, il y a plusieurs façons. Par exemple, le mail. Voilà, il y a le mail pigeon au pluriel à rtbf.be. Il y a bien sûr notre page Facebook. On n'est pas des pigeons. Il y a aussi le SMS 30 63 50 cents. Le message. Voilà, et puis le répondeur aussi. 070 222 660. Dans quelques instants, on parlera de médiation. Pendant les Audi Days, tout est époustouflant. Les conditions sur l'Audi Q5 sont époustouflantes. Sa puissance tranquille et son confort sont époustouflants. Époustouflant aussi la technologie IEA. Irrésistible envie d'aventure. Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi Q5 super équipé à partir de 37 500 € et 50% de remise sur la transmission Quattro. Infos et conditions sur Audi.be et chez votre distributeur Audi. Tu as de belles orbites, tu sais, Jennifer. Et tes os malaires. Tes os pariétaux me font rêver. Non, Brian. Ne confondez plus vos séries romantiques et vos documentaires scientifiques. Nouveau Ciné-Télé-Revue. Nouvelle grille, plus simple, plus claire. Ciné-Télé-Revue. Qu'est-ce qui est vert, rapide et tout le temps disponible ? Taxi vert colis. 02 349 46 46. À partir de 6,61 € hors TVA. Le 22 octobre, Chaussia dévoile son nouveau magasin à Wavre, avenue Reine Astrid. Pour fêter l'ouverture, une paire achetée, la deuxième à moins 50%. Oui, la deuxième paire à moitié prix. Avec une offre pareille, moi, je cours découvrir ce nouveau Chaussia à Wavre. Chaussia, la mode, le choix, le prix. Voir date et conditions en magasin. Garage Merckx, 5 marques, une concession, dotée d'un service après-vente top niveau et des conditions exceptionnelles sur tous les véhicules de stock. Garage Merckx, le service, le choix et les conditions. Comparez, vous serez étonné. Les conditions sur les Fiat, Abarth, Alpha, Lancia et Jeep, c'est chez Garage Merckx à Overays, chaussée de Bruxelles 341. Dans quelques instants, on vous parlera de médiation. N'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook. On n'est pas des pigeons, par exemple. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change, le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer. Sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré. Sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Cette femme était nommée, belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient. Mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile. Synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples. Qui devenaient vite indécis, tremblant comme des feuilles. Elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Bella. On n'est pas des pigeons. Il arrive parfois qu'on ait un petit problème avec un voisin, un corps de métier, une entreprise. C'est vrai qu'on rencontre souvent ce genre de choses dans l'émission. Et pourtant, Isa, eh bien, il existe différentes manières de régler un conflit. Alors, il y a, on dira, la manière forte, hein, dite aussi la manière virile. On en vient aux mains. Manière qu'on déconseille formellement, c'est interdit. Et en plus, souvent, ça ne résout absolument rien. Alors, on peut décider d'entamer un procès, mais on sait tous que que la justice est submergée, que ça peut prendre du temps et en final quand même coûter assez cher. Et puis il y a cette fameuse troisième solution, la médiation. Oui, c'est vrai que régulièrement, quand elle traite des litiges, eh bien Annie conseille de se tourner vers la médiation. Oui, surtout qu'elle a quand même un gros avantage, la médiation, c'est que souvent elle permet de pacifier les relations entre les deux parties, ce qui est rarement le cas quand il y a un procès. Un procès, ça se termine souvent par une rupture entre les deux parties concernées. Mais attention, pour qu'il y ait médiation, il faut que les deux parties en conflit accepte ce type de procédure. Et cette semaine, c'est justement la semaine de la médiation. Alors pour en parler, on a avec nous Michel Gonda du Centre belge d'arbitrage et de médiation. Bonjour. Bonjour. Alors la médiation, ça existe depuis longtemps ? Écoutez, la médiation a surtout émergé d'abord au sein des entreprises, donc dans le monde des affaires dans les années 90. Et puis comme ça s'est répandu dans le public et ça s'est généralisé, le Parlement belge a pris une loi en 2005 pour un peu encadrer cette procédure qui est quand même nouvelle. Alors médiateur, ombudsman, c'est la même chose ou ce sont deux choses fondamentalement différentes ? Oui, non, c'est fondamentalement différent. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'on galvaude, c'est-à-dire qu'on mette le mot de médiation un peu à toutes les sauces. Vous avez d'une part les guichets de plainte qu'on appelle aussi ombudsman, et puis d'autre part les médiateurs dont on parle aujourd'hui, qui sont des personnes indépendantes, neutres des parties, et donc ça peut pas être une personne qui est employée par une des deux parties, et c'est là que le bât blesse, tout le monde en est conscient. Et donc le principe de la médiation, parce qu'on a bien compris, c'était pas comme un ombudsman par exemple des assurances ou des télécommunications, on va prendre ces deux exemples-là, mais vous, quand vous êtes médiateur, bon, il y a un conflit, je sais pas moi, entre souvent familial par exemple, votre rôle à quoi c'est quoi ? C'est vous imposer quelque chose ou bien vous faites parler les gens, ou c'est quoi ça ? Non, oui, justement, on met à disposition, comme on dit, des parties en litige, un cadre. C'est-à-dire qu'on fixe un endroit, un lieu, des heures, des jours de réunion. On reçoit les parties d'abord ensemble. C'est ça qui est très important, c'est qu'elles puissent être l'une en face de l'autre. Et si vous voulez, on les fait parler, on les écoute. Et surtout, on reçoit tout leur ressenti, toutes leurs émotions, tout ce qui nourrit le conflit. Pas seulement ce qui est matériel, mais aussi tout ce qui est émotionnel. Ça permet de vider son sac et ça permet d'avancer alors un petit peu vers des solutions plus pragmatiques. Mais très concrètement, qui peut aller chez vous et qui ne peut pas aller chez vous ? Alors tout le monde peut aller voir un médiateur à partir du moment où vous êtes sans conflit, ouvert ou larvé. Ça peut être deux voisins, c'est évidemment tous les litiges en matière familiale, les divorces, garde d'enfants, résidences séparées. Ça peut être aussi un employé ou un travailleur avec son employeur, ça peut être un litige entre un consommateur et son menuisier, son chauffagiste ou sa compagnie d'électricité. Et est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on a des statistiques plus ou moins pour dire tiens, la médiation vraiment dans X% des cas aboutit ? On n'a pas de statistiques officielles puisqu'il n'y a pas un centre unique de médiation, il y en a beaucoup, mais le ressenti, le consensus, c'est qu'environ au moins dans 80% des cas, on a quelque chose. Oui, on n'a pas nécessairement un accord hors duquel tout le monde sort en criant victoire et en allant boire le champagne, mais on a quelque chose. Les gens ont avancé dans leur litige, ils se sont parlé et les choses sont différentes qu'avant. Mais est-ce qu'on est obligé de se retrouver devant le tribunal pour aller chez un médiateur ? On peut y aller avant sans qu'il y ait... Non, les deux solutions sont possibles. Soit vous êtes déjà devant un tribunal parce que la partie adverse vous a assigné en justice, et là, effectivement, on peut suspendre les délais, la procédure pour faire une médiation, ou simplement avoir recours à un médiateur avant même d'avoir recours au procès, qui viendra peut-être malheureusement après si ça ne marche pas trop bien. Alors on l'a dit tout à l'heure, hein, souvent si on passe par la justice, ça risque de coûter cher. Est-ce que la solution médiation, elle est moins chère ? Alors, elle est certainement moins chère, oui, ça c'est une évidence, parce que vous pouvez, si vous le souhaitez, vous passer d'un avocat, vous n'êtes pas obligé d'avoir un conseil juridique pour aller en médiation. Le médiateur étant, comme on l'a dit tout à l'heure, une personne indépendante, neutre, etc., est évidemment rémunéré. En général, ce sont les deux parties qui se répartissent la charge du prix des honoraires du médiateur. Il y a des tarifs fixés pour ça ? Certains centres ont effectivement fixé des prix. Le minimum, en général, on facture ça à l'heure. On peut évidemment imaginer que les parties négocient un forfait avec le médiateur, mais s'il n'y a pas d'autre accord, ce qui est la plupart du temps le cas, c'est à l'heure. Ça peut démarrer au minimum à 40 euros de l'heure, mais ça peut, dans les entreprises, aller jusqu'à 200, voire beaucoup plus à l'heure. Et donc, en fin de médiation, s'il y a un accord, il se peut que l'une des deux parties prenne en charge les frais. C'est le cas, par exemple, d'un accord avec un homme de métier et le consommateur. Il est possible que pour arranger les affaires, l'homme de métier, le menuisier ou chauffagiste, dise « Bah, écoutez, je vais prendre les frais de médiation à ma charge ». Ça arrive, mais sinon, en général, ils se répartissent ça entre eux. Merci Michel Gondin, on rappelle donc que vous êtes médiateur et on parlera encore de médiation un petit peu plus tard, hein, avec Annie notamment. D'ici là, on parlera notamment de votre facture de gaz qui va baisser. Viva ! Viva Bruxelles ! En toute complicité. Sur 99.3 FM. Du 3 au 22 octobre, c'est les prix Qualité Pro spécial isolation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, la plaque de plâtre 2,60 m, 2 bords amincis, épaisseur 9,5 mm, est à 2,39 euros le mètre carré. Alors profitez-en. Gagnez en savoir-faire. 2,39 euros le mètre carré, soit 3,73 euros la plaque largeur 60 cm, 7,46 euros la largeur 120 cm. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. Pour écouter les meilleurs moments du premier talk show radio du foot en Belgique, rendez-vous sur vivacité.be. Vos enfants ou élèves s'intéressent à la géographie ? Du lundi 17 au vendredi 21 octobre, les journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair et La Capitale vous offrent 5 posters pour tout découvrir. La carte de la Belgique, de l'Europe, du monde, du tourisme et des reliefs. C'est gratuit avec votre journal du lundi 17 au vendredi 21 octobre. Encore une exclusivité ? Sud Presse. Allez fiston, approche, ferme les yeux et goûte-moi ça, dis-moi ce que c'est. Ah, c'est exquis. Mais oui, c'est ça, voilà, c'est l'exquis, c'est le Herve l'exquis, le seul fromage belge couronné d'une appellation d'origine protégée. Et tu l'as reconnu tout de suite comme un vrai connaisseur. Ah, t'es bien le digne fils de ton père, va. Oui, mais je peux encore en avoir du Herve l'exquis. Bah et comment, on va se le finir à deux, allez, apporte le pain, on va se régaler. Le fromage de Herve, carrément incontournable. suite, Afterglow, c'était Alex Germis. Et tout de suite, on va sur les routes pour voir ce qui s'y passe avec Caroline Gillet. Et toujours cet accident signalé sur le 40 Bruxelles-Liège à hauteur de Christenay, voie de droite et d'arrêt d'urgence indisponible vers la Cité Ardente. On reparle aussi des suites de cet accident impliquant un camion sur le 19 Bruxelles-Mons à hauteur du Reux. Là aussi, les voies de droite et d'arrêt d'urgence sont neutralisées. On a eu des files très importantes. Tout à l'heure, vous avez perdu plus d'une heure 40. Pour le moment, sur le 19, vous perdez une quinzaine de minutes. Toujours 45 minutes supplémentaire sur le 42 venant de Namur vers Mons. La chaussée n'est pas prête d'être dégagée, c'est un problème de longue durée. Donc si vous devez passer par là, en venant de Namur, quittez le 42 à hauteur de Gouy. Si vous venez de Bruxelles, quittez le 19 à hauteur de Famiereux pour reprendre les nationales. Perte de chargement sur le 42 Mons-Liège à hauteur de Sambreville. C'est en voie centrale, il y a une dizaine de blocs de béton qui se trouvent en direction de Liège, soyez vigilants. Dans le centre de Bruxelles, le tunnel Delta est toujours encombré vers le centre, le tunnel Louise toujours encombré vers la Basilique. Une grande galerie commerçante ouvre aujourd'hui à Bruxelles, au boulevard Lambermont, et on a des ralentissements sur l'avenue Van Praat et sur l'avenue de Vilvoorde en direction du centre, toujours dans le centre de Bruxelles. Et puis un chantier qui vous fait freiner sur le 403 Bruges, tourné autour de Blandin, toujours 40 minutes supplémentaires vers Tournai. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. C'est le moment, c'est l'instant tant attendu du journal de la conso. La facture de gaz et d'électricité des Wallons diminue. C'est ce qu'on apprend dans les journaux du groupe Sud Presse aujourd'hui. On commence donc, Isa, par une très bonne nouvelle. En fait, je vais un petit peu vous décevoir quand même, parce que ce n'est qu'à moitié une bonne nouvelle. Je vous explique pourquoi. Aïe. Selon la CoAP, donc c'est le régulateur wallon, le prix de l'énergie a bien baissé. Par exemple, pour un ménage wallon moyen, donc dans certains critères bien précis, la facture d'électricité diminue de 20 euros par an. Mais cette baisse, en fait, est contrecarrée par la hausse du prix de la distribution. Idem pour le gaz. Et donc, comme le souligne le journal, vous pouvez choisir votre fournisseur d'énergie, mais vous ne choisissez pas le distributeur, puisque ça dépend du gestionnaire de région où on habite. Oui, voilà. Donc, vous avez voulu nous faire croire une bonne dire nouvelle. Je dois dire que j'étais très étonnée quand j'apprends que la facture de gaz, d'électricité des Wallons, donc de nous, ça diminue. Ben, moi, je ne vois pas la différence. Au contraire, je paye de plus en plus. Oui, ben, c'est un petit peu l'impression qu'on a aussi, effectivement. Les propriétaires d'anciens vont peut-être être très intéressés par la nouvelle publiée dans la dernière heure aujourd'hui. Une piscine pour chiens a été inaugurée ce week-end. Alors, elle s'appelle le Dog Center et elle est située à Charleroi. Ne vous précipitez pas pour y aller dans les prochaines minutes, les prochaines heures, parce qu'il faut réserver. Parce qu'en fait, vous serez seul dans la piscine avec votre ou vos chiens. Donc, il ne faut pas s'imaginer une piscine remplie de personnes et de chiens. Non, vous y allez seul avec votre chien. Alors le prix, 40 euros de l'heure, 25 euros pour une demi-heure. Le concept vient des États-Unis et d'Allemagne. Alors vous me direz, mais il doit y avoir plein de poils dans cette piscine. Oui, j'ai pas envie d'aller dans cette piscine. Eh bien, non. Parce que si vous y allez déjà votre chien. Hein. Ben oui, mais quand même. Mais donc, est-ce qu'il y a un vestiaire pour les chiens? Oui, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a un système de filtration de haute technologie qui permet donc d'éviter tous ces poils dans la piscine. Je sens qu'on va aller faire un petit reportage pour aller voir le nombre de poils qu'il y a dans cette piscine à Charleroi. Nous, on n'est pas très très convaincus, mais dites-nous ce que vous en pensez, bien évidemment, sur notre page Facebook, puisque c'est la question du jour. Et Isabelle, vous restez dans les animaux avec cet article de l'Avenir. Des chercheurs sont en train de mettre au point une herbe un petit peu particulière. Oui, et il s'agit de chercheurs danois. Ils planchent sur une herbe qui permettrait de réduire les rots des vaches. Alors, ça peut sembler drôle et vous allez me dire, mais c'est complètement... Mais réduire, c'est quoi? C'est le bruit, l'odeur, le... Eh bien, c'est surtout, il faut savoir qu'en fait, c'est quoi le problème avec les rots des vaches? C'est que ce sont de sacrées émanations de gaz méthane dans l'air. Hein. Et donc, cette herbe sur laquelle ils sont en train de plancher, elle pourrait diminuer les gaz à effet de serre, donc très important pour notre planète. Cela d'ailleurs intéresse grandement le gouvernement danois qui a loué déjà au projet 2 millions d'euros, mais c'est pas pour tout de suite, il faudra quand même attendre quelques années. Ah oui, moi je croyais que c'était les paix des vaches pour l'ozone. Mais bon, manifestement, il y a de tout. Elles fuitent de partout les vaches. Bon, je vous le promettais, on va reparler de médiation. C'est promis, c'est dans quelques instants. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Vivez vos vacances en toute liberté. Mobicar, salon international de la caravane et du motorhome. Plus de 600 modèles et toutes les nouveautés 2017. Mobicar, du 20 au 25 octobre à Brussels Expo. Plus d'infos sur mobicar.be. Ouais. Le salon de l'alimentation, tu connais, hein? Bon, bah ouais, j'ai mangé du homard, mais bon, hein, et pas cher. Et un couscous, mon ami. Et les meilleurs frites du monde aussi, hein? Tous ces pays qui présentent tous ces ustensiles. Ça, j'adore. Un marché couvert, mais en mieux. Pour le houblon, tu peux tester plus que 250 bières. 250, oui. Ça, c'est beaucoup pour moi, hein? Ouais, mais tu rentres en métro, hein? Ah ouais, ouais. Dis, le salon de l'alimentation. Ouais. Même si tu passes beaucoup de temps, c'est tellement bon que tu trouveras jamais salon. Le salon de l'alimentation à Bruxelles Expo du 15 au 23 octobre. Avec Sud Presse. Allô? Oui, salut Max. Ah, salut Sophie. Bonjour madame, j'arrive tout de suite, hein. Oh bah dis donc, t'as l'air occupée toi. Dis, quand est-ce qu'on mange ensemble tous les deux? Oui, bonne idée. J'ai un créneau mardi 23h. 23h, c'est pas un petit peu tard ça? Ah bah tu sais, ma boîte c'est passionnant, mais j'ai plus de temps pour moi. Jeudi 6h du mat. Et tu te reposes quand, Max? Votre santé est importante pour vous et pour votre entreprise. Découvrez tous les conseils pour garder l'équilibre sur 7jourssanté.be. Dimanche minuit. Max! Avec le soutien de la COCOF. La section Belgique du Haut Conseil des Béninois de l'Extérieur vous attend au Festival des Arts Vaudou les 22 et 23 octobre au Brussels 44 Center. Découvrez le patrimoine culturel du Bénin. Expo, performances live, concerts musicaux et gastronomie. Le rendez-vous, les 22 et 23 octobre au Brussels 44 Center. Info sur festivalvaudou.org. souvenir qui nous ramène à 1989. Les Fine Young Cannibals, c'était She Drives Me Crazy. On n'est pas des pigeons. On vous le disait tout à l'heure, c'est la semaine de la médiation et c'est pas inutile hein, puisque Annie, on connaît pas mal de personnes que ça pourrait aider, hein, souvent les auditeurs. L'objectif c'est évidemment d'essayer de ne pas passer devant les tribunaux parce qu'on sait bien que ça coûte cher, que c'est très long, etc. C'est une perte d'énergie, de temps, et c'est d'essayer de trouver des solutions grâce à une personne indépendante qu'on appelle un médiateur. Alors, on a déjà posé plein de questions, on a fait la séparation entre le médiateur et les ombudsman, les services de médiation qui existent. Mais est-ce que ça prend beaucoup de temps? Est-ce qu'elle est limitée dans le temps, la médiation? Alors, on peut la limiter dans le temps, en général 2 mois, 3 mois maximum, pour se fixer une limite. Mais c'est une question importante, parce que la durée d'une médiation dépend vraiment très fort de la motivation des personnes, et ça, c'est un point important. Il faut que les gens aient envie de venir parler, même s'ils sont très fâchés, il faut qu'ils viennent vider leur sac. Et plus ils vont être disponibles pour discuter du problème et de leur dossier, plus ça ira mieux et plus ça ira vite. Bon, alors vous avez dit, Michel, vider le sac. Donc, si j'ai bien compris, bon, vous êtes médiateur, j'ai un souci avec Isabelle, on se retrouve toutes les deux, on est d'accord, on va chez vous. Est-ce qu'elles vont se taper dessus? Voilà, non, mais vous allez nous faire parler, en fait. Voilà, je serai là d'abord pour empêcher qu'elles n'en viennent aux mains. Ça vous est déjà arrivé? Non, sauf qu'il peut arriver quand même que quelqu'un devienne un peu menaçant. Et là, on est formé à des techniques, justement, de dialogue et de communication pour apaiser les gens. Ça, en c'est fait, notre vous secret. Êtes psychologue aussi un peu, je dirais. On doit avoir une fibre quand même un peu sensible pour sentir les gens et communiquer. Oui, mais donc ça veut dire que vous faites parler les gens, voilà, il faut qu'on vide son sac, il faut qu'on oublie tous nos sentiments peut-être de colère, etc. Pas les oublier, justement. Les gens expriment, non, les gens racontent leur histoire, c'est ça qui est important, et ils le racontent avec leur cœur. Et donc, à la fois, ils transparaissent leurs émotions, et c'est là qu'on intervient, ou bien aussi, il y a tout le contexte. Et ça, c'est l'originalité de la médiation, c'est qu'on parle du tour et alentour du dossier. Alors qu'en justice, on va vous dire, non, ça n'a rien à voir. Ici, vous allez pouvoir exprimer pourquoi vous êtes arrivé à une situation aussi inextricable. Et à partir de là, on va la désextriquer, si vous me permettez ce néologisme. Et donc, vous allez essayer de trouver une solution, parce que les gens auront parlé, se seront exprimés, en disant peut-être des choses qu'ils n'auraient pas pu dire devant un juge. Exactement, oui, ils vont faire le tour et l'alentour du dossier. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir recueillir toute une série d'éléments dont on va les faire parler et qui vont déboucher sur des solutions un peu en dehors, peut-être. D'accord. Alors ici, on reçoit énormément de courriers, des mails et des appels sur les répondeurs. Et donc, simplement, Michel, vous allez me dire si c'est possible ou non de faire de la médiation avec le cas d'Yvette. Elle a fait placer une cuisine il y a 4 ans. Une partie de la cuisine suspendue est tombée pendant la nuit, il y a plus ou moins 2 mois. La cuisine a une garantie de 10 ans. Un expert est passé, il estime que le placeur est responsable, mais le modèle n'existe plus. Disons, elle a toutes les tuiles, Yvette. On ne sait pas remplacer la partie suspendue. Et donc, Yvette, elle se retrouve avec plus d'interlocuteurs. Enfin, en tout cas, elle est coincée. Mais qui va me payer pour cette cuisine suspendue? Est-ce que dans un cas précis, si tout le monde est d'accord, est-ce qu'il y a moyen de faire de la médiation? Oui, bien sûr. Si les deux parties sont d'accord, donc le placeur ainsi que la consommatrice, Yvette en l'espèce, c'est vraiment un cas pour une médiation. Parce que vous voyez ici, il serait évidemment simple de remplacer la partie qui est défectueuse ou qui est tombée, mais elle n'existe plus. Alors la solution technique basique n'existe plus. Et donc l'objectif du médiation va être d'essayer de trouver ensemble, avec les deux parties, une solution qui est un peu en dehors de cette quadrature du cercle qu'on n'arrive pas à résoudre. Donc il faut être imaginatif finalement. Ça vient assez spontanément, puisque précisément les gens parlent. C'est le rôle du médiateur, hein. C'est de justement susciter un petit peu la créativité, l'inventivité des gens. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut une certaine motivation, il faut avoir envie de discuter. D'accord. Alors ici, on parle du cas d'Yvette et c'est une cuisine, donc on est en plein dans les problèmes de consommation. Est-ce que pour le moment en Belgique, il y a une sorte de solution pour qu'on exprime nos problèmes vis-à-vis de professionnels? Par exemple, alors, sur le site du SPF, vous pouvez vous adresser à toute une série d'organismes, ça peut être la chambre de commerce, les organismes de consommation ou le barreau, les notaires, voire les assurances. Hein. Il y a probablement dans la police d'assurance d'Yvette peut-être une protection juridique qui lui permettra de faire porter par son assureur les frais de la médiation. Mais il y a au SPF Économie une plateforme internet sur laquelle vous pouvez vous adresser à condition d'avoir déjà fait une première demande, une première démarche vis-à-vis de votre partenaire avec qui vous êtes en conflit. Et donc cette plateforme Économie va mettre en place une médiation online, c'est-à-dire qu'il y aura un médiateur derrière votre ordinateur qui permettra justement de faire ce travail un peu différent, évidemment, c'est original, parce que les émotions à travers l'ordinateur, c'est peut-être un peu compliqué, différent, mais ça marche. Eh ben on va la tester. Alors, après la médiation, quand vous avez obtenu un accord, qu'est-ce qu'on fait avec cet accord ? C'est un papier, on le met quoi ? Dans le tiroir ? On le met au mur ou... Alors, en général, oui. Donc, on clôture la médiation, en principe, par un petit écrit pour dire qu'on soit bien clair sur ce sur quoi on s'est entendu. Et à partir de là, mais comme ce sont les deux parties qui ont, entre guillemets, construit cet accord, c'est ce qu'ils souhaitent pour sortir du litige, en général, dans 90% des cas, ils s'exécutent. Enfin, ils font ce qu'ils ont dit qu'ils avaient envie de faire. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez simplement déposer une requête devant le tribunal et le juge met son imprimatur, comme on dit, et homologue, et ça devient un jugement. Et avec ce jugement, vous pouvez aller chez un huissier et faire exécuter, je répète, c'est rarissime. Et alors justement, oui, si vous n'arrivez pas à une solution, qu'est-ce qu'on fait quand même de cette médiation ? Est-ce qu'on se dit, tant pis, on oublie, on recommence à zéro avec la justice, ou au contraire, on peut utiliser ce qu'on a déjà fait ? Alors on peut utiliser ce qu'on a déjà fait parce qu'il y a eu le débat, ça ne laisse pas indifférent et donc on continue à négocier. S'il y a des avocats dans la partie, en règle générale ce sont les avocats qui reprennent la négociation là où elle s'est arrêtée avec le médiateur, mais si l'affaire vraiment est foutue, alors il faut bien effectivement soit reprendre le procès si on l'avait démarré avant, soit en entamer un. Voilà, merci Michel Gonda pour nous avoir éclairé sur le monde de la médiation. Et on avait bien besoin. Oui, et on rappelle que cette semaine-ci, on est le 17, donc c'est la semaine de la médiation. Donc vous entendrez parler de médiation. Voilà. Eh bien, c'est pas inutile, hein, parce qu'on sent bien qu'on en a, j'ai presque envie de dire, tous besoin. Dans un petit instant, on va parler d'une chose dont on a tous besoin aussi, l'alimentation, avec François qui sera en direct du Salon de l'alimentation à Paris. Tu sais d'où vient la charcuterie Obel ? Du frigo. Mais non, de Belgique. Du savoir-faire des maîtres charcutiers Obel. Obel, c'est bon, l'authenticité. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. Dans ce restaurant, la cuisine est une histoire d'amour passionnel. Je voudrais faire une offre. Oh, papa, c'est le meilleur restaurant à des kilomètres à la ronde. La gastronomie française flirte avec les saveurs indiennes, les recettes du bonheur. Suivie de populaire, votre séance VIP, ce lundi soir sur la Une. Vive à Bruxelles et la 2 présente Mister Cover à Forêt Nationale le 3 décembre. Après 3 sold-out à l'ancienne Belgique, Mister Cover est maintenant de retour sur Bruxelles pour un concert exceptionnel. Mister Cover à Forêt Nationale, c'est le 3 décembre. Info et tickets sur mistercover.be. Bonsoir Bruxelles ! Cette semaine, Amir est l'invité de Vivacité. Bonjour, c'est Amir. Retrouvez-moi toute la semaine et samedi dans le Tip Top de Vivacité. Avant son concert le 16 décembre à Bruxelles, Amir vous présente son premier album, Au cœur de moi, toute cette semaine sur Vivacité. Garage Merckx, 5 marques, une concession, dotée d'un service après-vente top niveau et des conditions exceptionnelles sur tous les véhicules de stock. Garage Merckx, le service, le choix et les conditions. Comparez, vous serez étonné. Les conditions sur les Fiat, Abarth, Alpha, Lancia et Jeep, c'est chez Garage Merckx à Overijs, chaussée de Bruxelles 341. Se dessine, courageux et fort, où rien ne respire, corps contre corps, ciel contre. Oui, puisqu'on l'entend souvent, c'était Le Lac de Julien Doré. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Sur notre page Facebook, on vous pose une question. Comme tous les jours, ce week-end a été inaugurée dans la région de Charleroi une piscine pour chiens. Et oui, et Isa, ça a fait réagir les auditeurs. Ah oui, on reçoit quand même beaucoup de réactions, notamment celle de Geneviève qui dit « Si mon grand chien veut aller à l'eau, facile, une balade le long du canal va conquérir et plouf, à son aise, sauf que Geneviève, vous ne pouvez pas nager avec lui hein, dans ces cas-là. » Geneviève dit « Il sera sec d'avoir couru sur les berges bien avant de rentrer à la maison, pas d'odeur de chien mouillé. » Chantal lui répond « Mais cette piscine, vous savez, est très propre. Les piscinistes ont fait un boulot d'enfer. Je préfère aller nager avec mon Terre-Neuve dans une piscine adéquate et pas dans le canal, chacun ses goûts. Quand nous sortons de cette piscine qui est surveillée, il est douché avant et après et pulsé, ça, je sais pas très bien le ce que ça veut dire, pulsé, le chien pulsé, ah, pendant que le maître prend sa douche et s'habille. Ah ben oui, parce qu'on n'y pensait pas. Mais le maître aussi, du coup, il doit prendre sa douche et s'habiller parce qu'il est allé avec le chien dans l'eau. Ah, il est allé avec le chien dans la piscine. Vous en voulez encore une ? Oui, allez, encore une. Allez, Berkovic demande « Il faut que les règles de sécurité d'hygiène soient appliquées. Port du bonnet obligatoire, ne pas plonger, prendre une douche avant et après. » Là, je ne sais pas très bien si pour le bonnet, Berkovic nous parle du maître ou du chien. Je voudrais voir, tiens, le chien avec le bonnet. Ah, mais ça merci, peut être mignon, un petit bonnet avec des fleurs, là. Oui, avec les deux oreilles qui dépassent. Voilà, voyez, ça peut être alors, très joli. Oui, pour un berger allemand, mais pour un cocker. Vous voyez les deux oreilles ? Ouais, mais ça peut être joli aussi. Oui, bref, dites-nous ce que vous pensez de cette piscine sur notre page Facebook. On n'est pas des pigeons. Dans quelques instants, l'info, mais avant ça, un peu de musique. Wa-ni-na-na-na, wa-oh-oh-oh, wa-ni-na-na-na. Un an de plus que je me caille, oh, oh, je meurs de froid. Oh. Un an de plus et je me taille, ouais, et je rêve de te voir. Les nuits sans toi, sans toi, moi j'espérais tout bas. Les nuits sans toi, sans foi, revenir sur mes pas. Ouais, la vie nous sépare, mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas, c'est loin de moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare, mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, loin de toi, t'es toujours là. Un an de plus et malgré moi, je reste loin de toi. Ah, ah. Un an de plus à user mes petits doigts, ouais, rien, rien que pour toi. Les nuits sans foi, sans toi, moi j'espérais tout bas. Les nuits sans toi, sans foi, revenir sur mes pas. Ouais, la vie nous sépare, mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas, si loin de moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare, mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, loin de toi, t'es toujours là. Toutes ces heures à te chercher, tête baissée, les yeux fermés, sur ma peau gravée à tout jamais. Toutes ces heures à te chercher, tête baissée, les yeux fermés, sur ma peau gravée à tout jamais. Plus le temps passe, plus je sens en moi ces choses-là qu'on ne se dit pas. J'avance et plus je sens en moi ce qu'est d'être loin de chez soi. Ouais, la vie nous sépare, mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas, si loin de moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare, mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, loin de toi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare, mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas, si loin de moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare, mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, loin de toi, t'es toujours là. One in a na na, oh oh oh, one in a na na, one in a na na, oh oh oh. Eh ben mine de rien, mon petit pays des frérots de la Vega, ça a déjà 2 ans ce morceau. Si vous voulez interagir avec nous, c'est pas compliqué, vous pouvez aller sur notre page Facebook, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail, l'adresse c'est pigeons@rtbf.be. Et pour ceux qui préfèrent le téléphone, il y a le répondeur 070 222 660 et puis les SMS au 3063, ça coûte 50 centimes. À quelques jours de l'élection présidentielle, l'RTBF envoie 3 journalistes parcourir les États-Unis pour prendre le pouls de la société américaine. La course à la Maison-Blanche, une expérience inédite et originale à suivre sur rtbf.be/Maison-Blanche. À suivre aussi sur Vivacité dans 5 à 7 à 18h30. Salut, c'est Marion. Salut, c'est Julien. C'est Stéphane. Et vous êtes bruxellois sans doute ? Non, peut-être. En tout cas, on a rendez-vous. Un grand rendez-vous. Non, un gros rendez-vous. Ah oui, un rendez-vous. BXXL. Le lundi soir, BXXL, c'est tout moi, c'est tout toi. C'est tout Bruxelles. De 20h à 21h sur Viva Bruxelles. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise ? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 kilomètres gratuits. Direct. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 kilomètres gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Vivacité présente les 10 ans d'énergie et Habitat, le salon de référence de la construction durable et de l'efficacité énergétique. 170 exposants, un espace conseil animé par des experts, des conférences, un espace innovation, du 20 au 23 octobre à Namur Expo. Plus d'infos sur énergie-habitat.be avec le journal L'Avenir. Vous écoutez Vivacité, il est 12h. Et les infos sont présentées par Delphine Vreux. Bonjour, il faut mettre de l'ordre dans l'îlot sacré à Bruxelles, ce cœur touristique de la ville. Dans le rôle des nettoyeurs ce matin, les agents du service urbanisme, ils ont fait une descente autour de la célèbre petite rue des Bouchers. Le quartier n'a pas toujours bonne réputation et la ville reproche aux restaurateurs d'occuper l'espace public, de l'envahir avec des terrasses ou les présentoirs de fruits de mer, de racoler aussi les clients de manière excessive. Et les auvents utilisés pour protéger les terrasses peuvent aussi empêcher le passage de pompiers en cas d'incendie. Alors ce matin, l'urbanisme voulait mettre des scellés sur ses tentes et au vent, désormais illégaux, et cela a suscité pas mal d'émoi dans le quartier. Écoutez. Pas demandé, où est rentré? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez supprimer des restaurateurs? Je veux supprimer simplement les tentes solaires qui posent un problème d'un point de vue de la sécurité. Il aurait fallu mettre de l'ordre depuis le début, pas tolérer ceci et cela. Et en fait, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Et maintenant, il faut couper. Ça fait mal à tout le monde. Il y a des restaurants qui vont se retrouver avec trois tables. Mais bon. S'ils avaient su ça au début, ben ils n'auraient pas ouvert. Et sans les fameuses tentes solaires, il y a certains commerces qui ne peuvent pas tenir parce qu'ils n'ont pas suffisamment de tables. Ah ben oui. Ben, c'est-à-dire que souvent, c'est pour protéger les terrasses en cas d'averse. Qu'est-ce qu'on fait avec les clients? Témoignage recueilli ce matin par Véronique Fievé. Revenir sur les points qui fâchent pour l'opposition, défendre les mesures décidées et le travail accompli pour la majorité. Débat sur la déclaration de politique générale en ce moment à la Chambre. Charles Michel se défend et le budget occupe les députés. Le vote de confiance doit avoir lieu demain en début d'après-midi. Dommage qu'elles doivent encore exister. Ce lundi est la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Hier d'ailleurs, le Premier ministre, en présentant sa déclaration de politique générale, a fait de la lutte contre la pauvreté une priorité. Nous sommes tellement déterminés à réussir le redressement économique et la cohésion sociale, a lancé Charles Michel. Pourtant, au sein du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, on est loin. Très loin d'applaudir. Quelles sont les mesures qui inquiètent Christine Maï, sa secrétaire générale? Écoutez la réponse. C'est un peu un catalogue de désolation, les mesures qui nous inquiètent. On va atteindre les jeunes, on va atteindre les travailleurs, on va atteindre les chômeurs, on va atteindre les malades, la santé. Pourtant, il n'y a pas de restriction des allocations de chômage. C'est une bonne nouvelle, ça, non? Il n'y a pas de restriction des allocations de chômage, mais enfin, doit-on rappeler toutes les mesures qui ont été prises cette année sur les allocations de chômage? Nous sommes aujourd'hui le jour de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Ce que je voudrais dire à M. Michel et à son gouvernement, c'est venez voir sur le terrain, on vous invite, venez rencontrer des ménages avec nous, venez voir la réalité, rendez-vous compte de ce que c'est l'accès au travail. Rendez-vous compte de la difficulté de nouer la fin du mois. Rendez-vous compte du coût de la scolarité. Aujourd'hui, l'invitation est lancée, en tout cas. Ce gouvernement, en tout cas, a pris des décisions contre la population et en faveur des enrichis en ne touchant en rien en matière de fiscalité. Christine Maï, interrogée par Pascal Claude, et n'hésitez pas à aller voir le très joli et interactif web documentaire Les Nouveaux Pauvres sur le site internet de la RTBF. Situation quelque peu surréaliste à la FN Herstal en province de Liège. Le personnel a repris le travail, mais la direction est invitée à rester chez elle aujourd'hui. Décision des 1500 travailleurs lors de la grève de vendredi. Le problème aux yeux des syndicats ne vient pas des carnets de commandes, ils sont bien remplis, mais l'usine d'armement ne reçoit pas assez de pièces détachées, contrairement aux filiales américaines et britanniques. Le personnel redoute donc la perte de contrat et donc aussi des licenciements. Enfin, en tennis, Nick Kyrgios va-t-il accepter de consulter un psychologue en échange d'une suspension réduite? Le joueur a fait preuve d'un comportement déplorable au Masters 1000 de Shanghai, laissant filer le match sans donner l'impression d'avoir envie de jouer. L'amende sera de 15 000 euros, mais la suspension de 8 semaines pourrait être rabotée à 3 semaines. Si le joueur accepte de suivre des soins sous la direction d'un psychologue du sport, a fait savoir l'organisateur de tournoi, l'ATP. Caroline Gillet, sur l'autoroute 19, ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé puisque la chaussée est libérée à présent à hauteur d'Ureux et la circulation est même normalisée dans toutes les directions et surtout dans la direction de Mons. Chaussée libre aussi sur le 40 Bruxelles-Liège à hauteur de Christenay vers Liège, plus de soucis. Par contre, un accident s'est produit sur la nationale 617 Liège, oui, c'est à hauteur du pont d'Ougré. Le passage est compliqué, vous perdez 25 minutes en direction de Huy. Encore quelques ralentissements dans le centre-ville de Bruxelles, c'est à cause de l'ouverture d'une galerie commerçante, boulevard Lambert-Mont, ralentissement donc sur l'avenue Van Pratt et sur l'avenue de Vilvoorde en direction du centre. On rappelle que vous ralentissez toujours aussi dans le chantier de l'E403 Bruges, tourné à hauteur de Blandin, défile sur 4 km et 20 minutes supplémentaires estimées faire tourner. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons, vous retrouvez toute l'équipe avec Aurore Salzano. Merci Delphine, l'info revient à 12h30 pour les titres. Chez Cora, les Hatchy Malls sont à 69,95€. Adoptez-les vite parce qu'ils vont bientôt éclore. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. On n'est pas des pigeons. Sur Vivacité. C'est encore parti pour une heure de plaisir et de consommation. Hubert, avec vous, on va parler de gaspillage alimentaire. Ça fait rire, ça. Mais c'est vous qui rigolez, c'est pas de ma faute. C'est sérieux, ça va être très sérieux. C'est très très sérieux. Ok, absolument. C'est noté. Elisabeth, elle tient une boulangerie, mais elle râle contre l'APACW. C'est l'agence wallonne de promotion d'une agriculture de qualité. Qu'est-ce qui se passe, Annie? Il se passe que l'APAC fait des campagnes de promotion et que pour faire de la promotion auprès des clients, il faut se faire connaître. Donc on donne des petits trucs, on va vous l'expliquer. Au client, le problème, c'est qu'Elisabeth, elle n'a rien reçu. Donc, elle paye la PAC, elle n'a rien en retour. Elle n'est pas contente. On verra tout ça. C'est pas bien, ça. Robert, lui, va nous parler du pangasius. C'est pas une maladie de la peau, c'est un poisson. Et puis, la question du jour sur notre page Facebook, Isa, elle concerne une piscine d'un nouveau genre qui a ouvert ce week-end à Charleroi. Eh oui, c'est la piscine pour chiens. On connaissait danse avec les loups. Maintenant, il y a nage avec ton chien. Et on vous demande donc, est-ce que vous emmèneriez votre toutou dans cette piscine ou bien est-ce que cela vous semble farfelu? On attend donc vos réactions sur notre page Facebook, notamment. Notamment parce qu'on peut aussi réagir, par exemple, par mail. Voilà, le pigeon pigeon au pluriel, c'est important, @RTBF. Il y a aussi donc le SMS 30 60 50 cents, le message. C'est 30 63. Vous avez raison, Aurore. Pour ne pas qu'on se trompe, sinon ça va arriver chez quelqu'un d'autre. Voilà. Je répète donc 30 63 et c'est 50 cents le message. Voilà, super pour toutes ces infos. Des infos, bien sûr, mais aussi de la musique. Boum, boum, boum, et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Avec Mika qui frappe à la porte des voisins et boum, boum, boum. Et puis un groupe qui a un nom qui pourrait ressembler à une marque d'appareil photo, Lenka. Me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, y sube, sube, sube la calor. Me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, y sube, sube, sube la calor. Bien, mon flamé, de los soleil couché, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, ay sube, sube, sube la calor. Te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, ay sube, sube, sube la calor. Bien m'enflamé, jusqu'à la nuit tombé, envoûté mon âme, jamais, jamais calme. Hey. Bien m'enflamé, sans jamais t'arrêter, jamais en panne, avec toi je plane. a même réussi à faire danser Hubert. Je vous promets, c'est dommage qu'on n'ait pas l'image, parce que Hubert, vous étiez très bien. Mais les rythmes espagnols m'ont toujours inspiré. Eh ben, ça s'entend. C'est délicieux, delicious. Que c'est bon. Voilà. Oui, aïe, aïe. Nous sommes lundi. Qui dit lundi dit on regarde un petit peu ce qui se passe dans notre assiette avec Robert Rémy. Bonjour Robert. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler avec vous du pangasius. C'est un poisson qui est de plus en plus consommé, mais qui n'est pas très bien connu, hein. Non, c'est vrai que le pangasius, en fait, c'est un poisson d'eau douce, hein, de la famille des poissons-chats, et qui est quasi exclusivement produit au Vietnam dans le delta du Mékong. Et comme vous le dites, c'est vrai qu'il y a 10 ans encore, bah, c'était un mot pratiquement inconnu, un seul chiffre. En 2000, on en produisait 110 000 tonnes, et aujourd'hui, tenez-vous bien, on en produit 1,5 million de tonnes, dont 75 000, grosso modo, sont exportés vers notre pays. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un bon poisson ? Alors, je rigole d'abord parce que, assez bizarrement, l'argument massu du marketing, c'est de dire il a peu de goût. Et donc, il plaît à la majorité. Et aux enfants notamment, hein, c'est comme ça. Oui. Plus sérieusement nutritionnel, bah, c'est un poisson maigre, hein, intéressant, mais un peu moins n'empêche que d'autres espèces, parce que il est plus riche en acides gras saturés, vous savez, ces acides gras néfastes à la santé, et il est également moins riche en protéines et en oméga-3. C'est-à-dire, ça reste, comme tous les poissons, un aliment très intéressant, et il vaut mieux en consommer que d'abuser de charcuterie, par exemple. Et on le voit souvent recouvert de glace, alors est-ce que ça veut dire qu'il faut faire attention à quelque chose, notamment la congélation, par exemple ? Oui, parce que enfin, régulièrement, il est commercialisé sous la forme de produits surgelés. Hein. Et le glaçage, c'est une opération qui consiste à envelopper le poisson d'une couche de glace, tout simplement pour éviter qu'il ne se dessèche pendant le transport. Malheureusement, aucun pourcentage maximum légal n'est fixé. Et quand on mesure ce pourcent en laboratoire, bien, on constate que ça peut aller de 3 à 25%. Résultat des courses, dans certains cas, vous payez cher de la glace au prix du poisson, bien entendu. Alors, le conseil, c'est de donner la préférence aux produits qui jouent la transparence et qui annoncent clairement sur l'étiquette à la fois le poids net égoutté et le prix au kilo égoutté. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, eh bien, vous payez réellement le poids du poisson qui vous est livré. Mais c'est toujours mieux. Alors le WWF, donc l'Association de protection de la nature, le déconseille. Pourquoi ça ? Oui, c'est en 2010, le WWF, effectivement, a classé le pangasius dans la catégorie « à éviter ». Parce qu'on est loin, selon eux, d'une production à la fois durable, mais aussi d'une politique socialement responsable. Et il faut dire que cette prise de position du WWF a provoqué pas mal de réactions. Et depuis lors, d'ailleurs, le Vietnam et même des grandes surfaces chez nous se sont engagés à prendre en compte ces aspects. De plus en plus souvent, on trouve sur les étiquettes un label formé des trois lettres A, S, et c'est une sorte de charte fiable qui vise à minimiser à la fois les néfastes conséquences écologiques et sociales. Donc, mieux vaut donner la préférence dans l'esprit d'une production durable aux produits qui affichent ce label ASP. Voilà, merci Robert. Et on va donc consommer du pangasius, oui, mais intelligemment. Et surtout, on n'en achète pas trop parce que sinon, Hubert, on risque de le gaspiller. Oui, justement, et on gaspille encore énormément. Et attention, pas des restes qu'on jette à la poubelle, hein, des produits qu'on achète, dont la date est dépassée, même de quelques jours, et bien on jette. Et bien on en reparle tout de suite. La Ford Fiesta a 40 ans. Rendons-lui hommage comme si on était en 76. Salut les copains, ça roule. La Ford Fiesta 40 Years Edition est un véhicule dernier cri équipé de la climatisation et des dispositifs Bluetooth et SIM pour votre téléphone portatif. La Ford Fiesta, c'est BAT! Découvrez la Fiesta 40 Years Edition à partir de 10 390 euros chez votre distributeur Ford et profitez en plus d'un financement exceptionnel. Ford, go further. Offre soumise à condition. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Plus d'infos sur Ford.be. Chou, le plombier est là. C'est le menuisier.

En matière de gaspillage, pourtant, les grands responsables, ce n'est pas les grandes surfaces. Ce sont l'Horeca et surtout les ménages qui jettent plusieurs centaines d'euros par an à la poubelle. À peu près par ménage, 15 kilos. Jeter à la poubelle des choses qui n'ont même pas été déballées. Mais quel scandale. Mais les grandes surfaces, elles gaspillent quand même aussi. Bien sûr, elles gaspillent, mais ce n'est qu'un à 2% du gaspillage total. Évidemment, vu les quantités brassées, les chiffres sont énormes. Mais petit à petit, quand même, les consciences se sont éveillées. Et depuis 2014, un décret en Wallonie et une ordonnance à Bruxelles incitent les grandes surfaces à donner les invendus à des associations caritatives plutôt qu'à les détruire. Et est-ce que ça commence à porter ses fruits ? Oui, tout à fait. Petit à petit, cette année, par exemple, Delles a déjà donné, et alors que l'année n'est pas terminée, 1300 tonnes d'invendus à des organisations caritatives. C'est pas mal. Mais je suppose que ça doit quand même demander toute une organisation, ça. Ben évidemment, évidemment. Et ça, c'est parfois un peu lourd. Alors, pour des marchandises dont l'emballage est abîmé, du chocolat, des biscuits, ça ne pose pas de problème. Mais pour le frais, ce qu'on appelle le frais, il faut des structures adaptées. Les denrées sont données entre 4 et 2 jours avant la date limite de consommation. Carrefour ne donne pas, par exemple, du poisson ou du filet américain, ni du haché. Ils considèrent que ces aliments sont beaucoup trop sensibles. Mais aussi, les associations doivent évidemment pouvoir suivre. Elles doivent passer quotidiennement, pratiquement, pour le frais. Elles doivent aussi respecter la barrière du froid, d'où entrepôts et frigorifiés et camionnettes frigo. C'est quand même assez lourd à gérer. Et les grandes surfaces, vu qu'elles ne sont pas des philanthropes, il a fallu leur forcer la main ? Eh bien, oui et non. C'est vrai, la gestion des déchets coûtait cher. En donnant, ils font évidemment des économies. Mais le problème, c'est qu'avant les décrets de 2014, la loi ne les poussait pas du tout à donner les invendus. S'ils détruisaient leurs marchandises, par exemple invendues, ils pouvaient récupérer la TVA. S'ils les donnaient, ils ne pouvaient pas récupérer la TVA. Encore plus absurde, si un commerçant faisait don de 10 tonnes de riz à un pays situé hors de l'Union européenne, il récupérait la TVA. Mais s'il faisait un don à une banque alimentaire ici en Belgique, dans son pays, bah, ce n'était pas possible, il ne récupérait rien du tout. Ça n'encourageait pas beaucoup. Maintenant, le problème est réglé. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont faites aussi pour lutter contre le gaspillage, mais justement à la production, déjà oui, à la base ? Bon, et à la distribution, c'est un aspect, et à la production, il y a parfois surproduction, effectivement. Eh bien là, oui, de plus en plus d'initiatives se mettent en place pour lutter contre cette forme de gaspillage. Ainsi, une petite association qui s'appelle Foodway, c'est un site internet qui met en relation des agriculteurs ou des éleveurs avec des associations caritatives. Alors ce soir, on a un reportage, Olivier Cohen est allé trouver cette association et vous le verrez dans le reportage, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté, la fondation Roi Baudouin lance aussi un nouvel appel à projet. Il va se clôturer le 15 décembre. Alors, vous me regardez, quoi, projet ? C'est quoi comme projet ? Et quoi, c'est quoi comme projet ? Depuis 2006, il donne un coup de pouce à des petites organisations porteuses de projets concrets, locaux, au plus près des besoins des hommes, des femmes et des enfants en situation de pauvreté. Et donc, ces associations sont aidées par la Fondation Roi Baudouin. Si vous avez des projets caritatifs, c'est le moment de les remettre jusqu'au 15 décembre. Merci Hubert, on découvrira donc tout cela ce soir en télé sur la Une dans l'émission à 18h30 et puis on fera un petit point aussi sur ce qui se passe dans le monde, les infos, après un peu de musique. Joël. C'était My Life sur Vivacité. Cette semaine, Amir est l'invité de Vivacité. Bonjour, c'est Amir. Retrouvez-moi toute la semaine et samedi dans le Tip Top de Vivacité. Avant son concert le 16 décembre à Bruxelles, Amir vous présente son premier album, Au cœur de moi, toute cette semaine sur Vivacité. En octobre, bon repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet, un canapé lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing. Profitez maintenant de 18% de remise au bon repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. Pour réécouter les meilleurs moments du premier talk show radio du foot en Belgique, rendez-vous sur vivacité.be. Vivacité présente. Dis Marco, tu comptes sérieusement acheter ces fraises au mois d'octobre? Ben oui. Mais juste là, t'as des pommes, des poires, des scoubidoubidou bien locales et de saison. Envie de plus de good food au quotidien? Rendez-vous les 22 et 23 octobre pour une foule de découvertes gourmandes sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. Vous souhaitez garder de l'argent pour vos enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant? Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. Cette semaine chez Domino's Pizza, semaine de folie. Toutes les pizzas régulières à emporter sont à 4 euros. Et avant 16h, elles sont même à 3 euros à emporter. Domino's Pizza, c'est tout moi. Vos enfants ou élèves s'intéressent à la géographie? Du lundi 17 au vendredi 21 octobre, les journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair et La Capitale vous offrent 5 posters pour tout découvrir. La carte de la Belgique, de l'Europe, du monde, du tourisme et des reliefs. C'est gratuit avec votre journal du lundi 17 au vendredi 21 octobre. Encore une exclusivité? Sud Presse. Vous écoutez Vivacité, il est 12h30. Les titres de l'info avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour, bonjour à tous. L'actu ce lundi, c'est encore la Chambre des députés. Les députés qui ont écouté hier la déclaration du Premier ministre. Il a bouclé son budget le week-end. Hier, Charles Michel a présenté le catalogue des bonnes intentions du gouvernement. Aujourd'hui, l'opposition riposte et dit tout le mal qu'elle pense des mesures qui ont permis au gouvernement d'éponger une addition de 3 milliards tout de même. Alors forcément, ce n'est pas indolore. Ça suscite quelques crispations. Vous l'entendrez à 13h. Les mesures qui inquiètent aussi les militaires et le personnel roulant de la SNCB. L'âge de la pension va progressivement passer à 63 ans pour les militaires et pour les cheminots. Une décision qui ne passe pas comme une lettre à la poste. Les syndicats de la Défense ont déjà demandé un rendez-vous avec leur ministre à 14h. À 13h, on revient aussi sur cette manifestation du réseau de lutte contre la pauvreté. C'est aujourd'hui la journée mondiale du refus de la misère. La pauvreté, ça concerne aussi les travailleurs. On le sait chez nous, un travailleur sur trois risque de basculer vers la pauvreté. Les associations de lutte contre la misère demandent des mesures pour éviter cela. À 13h aussi, le procès du meurtrier de Laure Nobels. Elle avait 16 ans en 2012 et son petit ami, un an plus âgé qu'elle, l'a étranglé. Ça s'est passé dans la maison familiale du jeune homme à Neder-Overenbeek. Le jeune homme ne supportait pas l'idée que la jeune fille décide de le quitter. Il l'a donc étranglé. Il a attendu de longues minutes avant de prévenir son frère, puis son père, qu'il avait commis l'irréparable. L'affaire est jugée en correctionnel en ce moment à Bruxelles. Et puis à Mossoul, en Irak, l'offensive pour reprendre le contrôle de la ville au groupe terroriste État islamique est toujours en cours, avec des craintes pour les assaillants que l'EI ait laissé des mines sur les lieux, que les terroristes aient piégé la ville. On fera le point sur cette opération dans le journal de 13h, Aurore. Merci Manu, le rendez-vous est pris. On n'est pas des pigeons. Contexte, on a toujours un bon prétexte pour tomber nos foot of the loom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Quand t'es pas là je fais n'importe quoi. Je prends les kilos des tequila. Je chante les chansons d'Oum Kalsoum. Je ne pense qu'à nos boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Ta mère, elle a failli tomber par terre en entrant dans le dressing room. Quand toi et moi on faisait boum boum boum. Dans des ascenseurs des hôtels, on s'est monté au 7e ciel. On envoie balader les grooms. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Reçoit des invités, on ne sait même pas résister. Entre le deal et le coup, y a le temps de faire boum boum boum. C'est vrai que les murs ont des oreilles, que tous les voisins se réveillent. Et c'est comme ça qu'on fait l'amour, quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. On ne voit pas besoin. Ça, ça fait toujours deux. De plus de ça fait tout ce qu'on veut. C'est comme les coups de Brahim Asloum. Toi plus moi ça fait boum boum boum. Pas la peine d'aller cavaler. Y'a que ça qui me fait voyager. Pas les cocotiers de Toulon. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. C'est mais comme ça c'est pas. Boum boum boum. Et c'est quoi ton problème? Nous? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. Ben le problème, c'est Elisabeth qui l'a. Elle tient une boulangerie, elle est très fâchée contre l'APACW, c'est l'Agence Wallonne pour une agriculture de qualité. Sa boulangerie n'a pas pu participer à deux campagnes de promotion organisées par cette agence. Et elle a beau demander des explications, personne ne lui répond. Elisabeth? Elisabeth, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, j'attends des nouvelles de la PAC. Nous n'avons rien eu malgré les coups de téléphone. Mais voilà, c'est quoi exactement ces campagnes de promotion? La campagne de promotion, il y en avait une qui débutait d'avril à mai pour pouvoir gagner des places de musique. Et alors ici, encore la campagne ici au mois d'octobre, campagne croustillante pour gagner 100 € de pain, quoi. Donc ça, c'est quoi? C'est pour vos clients? C'est une campagne oui, pour, oui, les clients. Pour les clients. Okay. Oui, et donc, oui. vous vouliez vous inscrire à cette campagne, mais vous n'y êtes pas arrivé. Mais on était inscrit, mais le matériel n'est pas arrivé. Voilà, d'accord. Et vous deviez payer quelque chose? 186 €. Ah oui, quand même. Voilà, et donc, Elisabeth, les 186 €, c'est la cotisation que vous versez à la PACW, c'est bien ça? C'est ça, oui. Voilà, et donc, quand vous payez 186 € et quand il y a des campagnes de promotion, vous recevez entre guillemets des produits, des articles à distribuer aux clients, par exemple des calendriers, oui, des sacs ça, pour pain, ça. Etc. Et notamment la possibilité pour vos clients, à vous, de participer à des concours. Alors c'est on a ça. Bien compris que si vous ne recevez pas les produits de la PACW, ben forcément vous ne savez pas satisfaire vos clients et les clients vont peut-être se dire « Oui, mais chez Elisabeth, on n'a pas ça, alors que dans une autre boulangerie… » Alors qu'à 300 mètres d'ici, il y en a. Voilà, et donc on peut comprendre que que vous soyez fâché, d'autant qu'on se dit aussi, ben, si on paye 186 euros à la PACW, non dit ch'touk comme on dit, mais où va l'argent, à quoi ça sert alors? Oui c'est ça, c'est pour avoir un résultat. Mais justement, où va cet argent et à quoi ça sert? Ben, on va poser la question à Luc Roisin de la PACW. Bonjour Luc. Bonjour madame. Alors Elisabeth, comment ça se fait qu'elle n'a rien reçu? Je dirais, je vais vous rappeler un peu la procédure que l'on a mis en place depuis plus de 20 ans pour les boulangers, pour qu'ils puissent recevoir du matériel de promotion à heure et à temps. On envoie par courrier soit la PACW, soit la société qui gère la campagne de promotion, en l'occurrence maintenant c'est une société qui gère la campagne de promotion, à tous les boulangers, donc à plus de 1200 boulangers, un formulaire dans le courant du mois de mars cette année en 2016. Ces personnes, donc tous les boulangers qui reçoivent ce formulaire, doivent nous communiquer à l'agence qui gère la campagne s'ils souhaitent adhérer à l'action ou pas. Nous avons bon an, mal an, entre 500 et 700 boulangers, voire 750 boulangers qui répondent et qui remplissent les formulaires à heure et à temps pour bénéficier du matériel de promotion. Donc je dirais qu'en l'occurrence, c'est peut-être très malheureux, mais madame a oublié de s'inscrire ou ne s'est pas inscrite cette année en 2016. Par courrier, pas par internet, par courrier. Par courrier, je dirais que bon, on a eu un taux excessivement réduit de personnes qui ont souhaité recevoir le matériel de promotion mais qui ne l'ont pas eu. Je dirais que maintenant, moi je vous ai eu en ligne, vous avez envoyé un fax ou un mail à la PACW le 29 oui. septembre. Dans le 29 septembre, moi je vous ai eu en ligne. J'ai eu quelqu'un de votre boulangerie en ligne, je vous ai dit que vous aurez le matériel de promotion cette année dans le courant du mois d'octobre. Donc je dirais que maintenant, on est le 17 octobre, et vous n'avez pas encore reçu le matériel de promotion, et vous allez le recevoir sous peu. Donc ça veut dire qu'il y a une solution qui est trouvée. D'accord, il y a une solution qui est trouvée, mais la campagne, elle est censée commencer quand? La campagne, elle commence à partir du 5 octobre jusqu'au 15 novembre. Oui, donc il restera encore un peu de temps. Il y a encore un laps de temps de plus d'un mois pour que madame puisse faire bénéficier ses clients et ses consommateurs d'une opportunité d'être une des cinq gagnants au concours leur permettant d'avoir du pain et des spécialités croustillantes pendant un an gratuitement. Monsieur Roisin, mais vous comprenez quelque part qu'Elisabeth soit un peu fâchée parce que pendant ce temps-là, les clients ils peuvent se détourner d'elle et aller ailleurs, hein? Ça, je peux comprendre tout à fait, mais je dirais que, bon, nous, au niveau de la PACW et de l'agence qui gère la campagne de communication, on fait des rappels et des par mail et par fax et par téléphone. Maintenant, je comprends tout à fait qu'on peut se sentir un peu vexé de ne pas avoir reçu le matériel, mais bon, mais moi, j'ai la preuve. Enfin, nous, on a les preuves comme quoi madame n'a malheureusement pas été attentif ou omis de le faire au mois de mars-avril, quoi. Donc, Elisabeth, vous avez bien entendu, parce qu'on vous entend réagir, mais de très loin, vous allez donc recevoir les paquets nécessaires pour vos clients. Monsieur Roisin, dans les 8 jours, ils arriveront? Je dirais que nous, on a le matériel qui arrive chez nous ce mardi. D'accord. Et on a une 20 à 25 boulangeries à livrer en ayant le meilleur délai. D'accord, mais donc ça veut dire que allez, dans les 10 jours, logiquement, dans les 10 jours, il n'y a quand même pas 1000 kilomètres qui séparent la PACW de la boulangerie d'Elisabeth. Hein. Oui, sinon vous allez les porter à pied aussi, hein, ça ira peut-être plus vite. Peut-être, il y a quand même une centaine de kilomètres entre les deux. Ah, mais c'est excellent pour la santé, monsieur Roisin, excellent pour la santé. Il y en a qui l'ont fait en 24 heures. En tout cas, merci à vous, hein, monsieur Roisin, d'avoir bien voulu réagir au nom de la PACW. Donc, Elisabeth, vous l'avez compris, vous allez recevoir ce matériel. Et dès que vous recevez le matériel, Elisabeth, vous envoyez un petit mail en nous disant « Chic, reçu pour mes clients, ils seront contents ». D'accord? On fait comme ça? C'est bien gentil. Si vous aussi vous avez un problème, n'hésitez pas à faire comme Elisabeth et contactez-nous. Mais oui, vous pouvez nous contacter, évidemment, nous envoyer un courriel à l'adresse suivante pigeon@rtbf.be. Il y a aussi notre page Facebook « On n'est pas des pigeons ». Vous pouvez aussi réagir en nous envoyant un SMS 30 63 50 cents le message, en nous laissant bien vos coordonnées également. Et puis il y a le répondeur, c'est là peut-être que c'est encore plus important de laisser ses coordonnées, le répondeur, le 070 222 660. sais, mon fils, quand tu manges du fromage de Herve, tu manges bien plus qu'un fromage. Ah ouais ? Mais qu'est-ce que je mange alors ? Mais tu manges un patrimoine, un savoir-faire transmis de génération en génération. Tu savoures le vent, l'herbe et le lait du pays de Herve. Mais regarde-moi cette belle croûte orangée, c'est... Mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah quoi ? Enfin, avec un fromage pareil, fiston, on boit une bonne bouteille, pas de la limonade. Le fromage de Herve, carrément incontournable, avec le soutien de la PACW. Sortez votre appareil photo ou votre smartphone et faites-nous voyager. Métro Photo Challenge, le plus grand concours international de photographie est de retour. Partagez vos plus beaux clichés de voyage et tentez votre chance de gagner une expédition exceptionnelle sur l'île de Pâques et de super prix. Prêt pour relever le Métro Photo Challenge ? Surfez vite sur metrotime.be et participez jusqu'au 25 novembre. Docs is style. Docs is wow. Docs is fun. Docs is yum yum. Génial. Cinéma. Docs is culture. Music. Fashionista. Expo. Youpi. Docs is lingerie. Docs is comme tu es belle. Delicious. Mm. Docs is man. Woman. Kids. Me. Docs Bruxelles is you. Dès ce jeudi, venez vivre une expérience urbaine inédite dans le tout nouveau shopping district de Bruxelles au Pont Van Praat. Venez découvrir Docs Bruxelles. Ouvert le dimanche 23 octobre. Plus d'infos sur docsbruxelles.be. Vous avez un projet d'aménagement intérieur ? Du 15 au 29 octobre chez Bourguignon-Bois, conditions exceptionnelles sur une sélection de parquets, portes, isolants et lambris. Bourguignon-Bois, depuis 3 générations, écoute, conseille et solutions sur mesure. Notre passion du bois s'expose dans notre showroom de Wallin et sur bourguignonbois.be. La Une et Vivacité présente NJJ Rack en concert les 10 et 11 novembre à Forêt Nationale et le 14 janvier au Wex de Marchand-Famène. Infos et réservations, odelive.be, 070 660 601, 50 centimes la minute et dans les points de vente habituels. Of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. too much. Help me. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. C'est le tout dernier 21 Pilots. C'était Ride sur Vivacité. Et on n'est pas des pigeons. Et on part tout de suite sur la page Facebook. Avec vous, Isa, on posait une question sur cette fameuse piscine qui a ouvert ce week-end, une piscine pour les chiens. Tout à fait. Donc, pas mal de réactions, pas mal de gens qui trouvent ça un peu farfelu comme idée. Et Serenity leur répond. Pour les détracteurs, il y fait peut-être plus propre que dans certaines piscines du genre humain. Elle ajoute entre parenthèses, un chien ne fait jamais pipi dans l'eau. Alors ça suscite vraiment un débat, du coup un second débat sur notre page. Question fondamentale, est-ce qu'un chien fait pipi dans l'eau ou pas? Moi personnellement, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui répondent que non. Donc voilà, les chiens ne font pas pipi dans l'eau. La question est donc ouverte. Morgane dit, j'ai hâte d'y aller avec mon pincher, il est plutôt frileux, mais avec une eau à 26 degrés, cela ne devrait pas poser de problème. Pour le prix, étant donné que l'on loue la piscine et qu'elle est réservée pour nous et notre chien, je ne trouve pas cela trop cher et 30 minutes, c'est bien suffisant. Annick dit que son chien a la maladie d'Addison, c'est une perte musculaire, il y a une perte musculaire liée à cela. Le vétérinaire m'avait dit que la natation serait parfaite. Maintenant, je sais que c'est possible. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre page Facebook. Vous avez aussi réagi concernant la médiation en demandant très concrètement comment est-ce qu'il faut faire. Annie, qu'est-ce qu'on peut répondre? Oui, et bien pour savoir si vous avez affaire à un médiateur agréé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est quand même pas un charlatan, il faut faire attention. Mmh. Il faut aller sur le site de la Commission fédérale de médiation, www.fbc-cfm.be. C'est compliqué, fbc-cfm.be, 02 552 24 00, je vais répéter 02 552 24 00, et on rappelle que sur le site du SPF Économie, si vous avez un problème de consommation avec un professionnel, vous pouvez aller sur le site belmed.fgov.be. Voilà, comme ça on a été tout à fait complet. Vous n'hésitez pas bien évidemment à réagir sur notre page Facebook, on n'est pas des pigeons. C'est là qu'on va aller dans quelques instants pour aller chercher notre coup de gueule du jour. Vous cherchez un appartement neuf de grand confort à Bruxelles ? Thomas et Piron vous présente les résidences M Square, un ensemble immobilier d'exception situé à deux pas du centre. Portes ouvertes ce dimanche de 14 à 17 heures dans notre bureau d'infos sur place situé avenue du Condor à Molenbeek-Saint-Jean. Venez y découvrir nos offres exceptionnelles de lancement. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Offre soumise à condition. Pendant les Audi Days, vous allez être surpris. Surpris par les conditions exceptionnelles sur l'Audi A1. Surpris par son tempérament et son agilité en ville. Et surpris par la technologie unique PJR, qui signifie « Pince-moi, je rêve ». Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros ou 129 euros par mois en personal lease. Infos et conditions sur Audi.be et chez votre distributeur Audi. Le jour où vous choisirez des fenêtres WIB, réfléchissez bien. Comme elles sont solides, résistantes aux intempéries et aux enfants, fabriquées en Belgique et au Luxembourg et posées par des menuisiers certifiés, vous risquez de les garder très très longtemps. C'est un peu comme un mariage en fait. Faut bien réfléchir. WIB, une fenêtre sur votre avenir. Info sur wib.eu. Hello, c'est Hip. Il y a encore des offres de génie incroyables dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour, comme la PlayStation 4 1 Tera avec le tout nouveau jeu Call of Duty Infinite Warfare pour seulement bam 365 euros. Et c'est uniquement valable jusqu'à demain. Dépêchez-vous. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Saviez-vous qu'un tram de la STIB, c'est 40 tonnes d'acier et une très longue distance de freinage? Alors, si vous traversez sans regarder, vous risquez de vous prendre dans la figure l'équivalent de 20 rhinocéros lancés à toute vitesse! Et ça peut faire très mal. Soyez donc toujours très vigilants. Le tram a toujours priorité. Un message de la STIB. Compresse. Compresse. Scalpel. Scalpel. Aspiration. Tronçonneuse! Ne confondez plus vos séries médicales et vos films d'horreur. Nouveau Ciné-Télé-Revue. Nouvelle grille, plus simple, plus clair. Ciné-Télé-Revue. as sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house. As mean as a wolf, as sharp as a tooth, as deep as a bite, as dark as the night, as sweet as a song, as right as a wrong, as long as a road, as ugly as a toad, as pretty as a picture hanging from a fixture, strong like a family, strong as I wanna be, bright as day, as light as a plane, as hard as nails, as grand as a whale. As sun, as silly as fun, as cool as a tree, as scary as the sea, as hot as fire, cold as ice, sweet as sugar and everything nice, as old as time, as straight as a line, as royal as a queen, as buzzed as a bee, as stealth as a tiger, smooth as a glider, pure as a melody, pure as I wanna be. Voilà, elle vient de le dire, Everything at Once, c'était Lenka sur Vivacité. Sur notre page Facebook, on a un petit commentaire de Jacqueline. Souvenez-vous, elle nous avait envoyé un coup de gueule pour sa copine Joël, qui avait pris le train sans carte de réduction et qui s'était quand même ramassé une petite amende de 75€. Le service clientèle disait qu'on ne pouvait rien faire. Eh bien, bonne nouvelle, après notre émission, on lui a dit que c'était bon comme ça. L'amende, finalement, elle ne devra pas la payer. Cette semaine, Amir est l'invité de Vivacité. Bonjour, c'est Amir. Retrouvez-moi toute la semaine et samedi dans le Tip Top de Vivacité. Avant son concert le 16 décembre à Bruxelles, Amir vous présente son premier album, Au cœur de moi, toute cette semaine sur Vivacité. On n'est pas des pigeons. Et c'est le moment de retourner sur notre page Facebook pour notre coup de gueule. Mais justement, on n'avait pas vraiment un coup de gueule, mais une photo qu'on a envie de mettre en évidence, c'est Jean-Pierre qui nous l'envoie. Alors, que voit-on sur cette photo? On y voit une décoration de Noël, un joli bonhomme de neige habillé avec un bonnet, un petit pull jacquard, et sur l'étiquette, attention, ne convient pas aux enfants de moins de 36 ans. Ah ça c'est vieux quand même pour l'enfant. Oui, mon Dieu, hein. Et à 36 ans et un jour, on peut jouer avec ce jeu. On se dit que c'est une faute de frappe. Et de fait, quand on lit en néerlandais, on voit bien qu'il écrit « Maanden », donc 36 mois et pas « jaren ». Ah, voilà. Apprenez le néerlandais. Vous savez, il y a de grands enfants, hein, c'est à tous les âges. Hein. Voilà, c'est fini pour l'émission radio, mais toute l'équipe d'On n'est pas des pigeons vous retrouve ce soir en télé sur la Une. Ce sera à 18h30. D'ici là, Sylvie, on va faire un virage, j'y arriverai, à 180 degrés. Oui, ouais. Un visage, c'est pas la même chose. Hein, mais un virage à 180 quoi, degrés. On change de vie. Vous êtes prête? On prend quoi? La gauche ou la droite? La droite, la droite, hein. Oui. Ouais, parce que la gauche, c'est plus le passé, hein, donc allons vers l'avant. C'est ça, c'est en effet le thème qu'on va vous présenter aujourd'hui. 101 vies dans une seule. Voilà le livre que André Harvey, conférencier, troubadour du cœur, auteur québécois, est venu nous présenter. Bonjour André. Allô, bonjour tout le monde, et encore une fois. Vous êtes en Belgique depuis deux jours, c'est ça? Ah oui, j'ai encore mon décalage en pleine face. Ça vous a quand même pas empêché de l'engloutir un chicon au gratin ce midi avec moi? Oui. Pour papoter de l'émission. Vous mangez pas souvent des chicons au Québec, en fait? Enfin, non, les gens disent pas chicon. On dit pas chicon là-bas, on dit endive, comme en France. Ah, peut-être endive, mais c'est pas un mec qu'on retrouve normalement. Bon, il y en a, là, mais c'est pas habituel. Vous avez apprécié, hein? Oui, ben j'adore le chicon avec du bon fromage. Oui, d'autant que c'était une tranche de fromage de maritsou. Donc, vous voyez, ça, c'est ouais, du bien de chez nous aussi. Oui, je pensais que le maritsou, c'était une boisson. Aussi. Ah, aussi, oui, ben, je vous expliquerai un petit peu toutes les spécialités culinaires, gustatives, en tout cas, qu'on a chez nous. Bon, André... Vous êtes là, en effet, pour présenter votre livre, mais pour présenter aussi ces virages à 180 degrés que certaines personnes ont peur de faire. L'objectif de votre ouvrage, c'est pas de raconter une série d'anecdotes ou de votre vie, hein, sans lien avec les unes avec les autres, ces anecdotes, mais plutôt de choisir et de réunir seulement celles d'entre elles qui vous ont fait évoluer. En fait, c'est ça, c'est faire vraiment un flashback sur toutes ces périodes de votre vie que vous avez vécues, à un moment donné, qui vous ont permis de grandir. On aura plein de choses à dire. Par rapport à ça, par rapport à votre autobiographie, mais surtout on voudrait demander aussi aujourd'hui aux personnes de venir témoigner sur ces virages à 180 degrés qu'on aimerait souvent faire. Une des façons de comprendre les virages de nos vies, c'est peut-être d'écrire notre biographie, vous l'avez fait, André, mais ça peut aussi être dans plusieurs domaines. Donc on en parlera juste après le journal de 13h. Voilà, le temps de me moucher une dizaine de fois d'ici là, parce que j'ai un gros rhume, vous voyez. Et le point météo, ça tombe bien, que voici de Denis, on se retrouve juste après. Pluie, vent, froid, le temps idéal pour accueillir chez moi le conseiller Bélisol et recevoir un conseil gratuit pour mes nouveaux châssis et mes nouvelles portes. Bélisol. Bonne journée à tous. Ce lundi sera encore la meilleure journée de la semaine, même si le ciel reste très nuageux sur le sud du pays et que l'on pourrait encore avoir de ci, de là, une petite averse mais résiduelle. Les éclaircies seront plus larges par contre sur l'ouest et le centre du pays avec 17 à 18 degrés, 13 à 14 sur les reliefs. Demain, changement de décor, l'automne arrive, le vent devient soutenu de secteur sud-ouest. On aura même des rafales de vent l'après-midi avec l'arrivée d'une zone de pluie sur nos régions, 11 à 14 degrés. De mercredi à vendredi, on sera sous un ciel de traîne avec des périodes d'averse, des moments d'accalmie et des températures qui ne dépasseront plus 9 à 14 degrés. Excellent d'après-midi à l'écoute de Vivacité, il est 13h. La foire d'empoigne comme prévu à la Chambre ce matin. L'opposition riposte contre le budget présenté hier à la tribune par l'équipe de Charles Michel. Les socialistes ne tarissent pas de critiques sur la politique sociale du gouvernement, politique anti-travailleur, dit Laurette Onkelings, la chef de groupe PS. Le procès du meurtrier de Laure Nobels, la jeune fille avait 16 ans quand elle est décédée, étranglée par son petit ami qui ne supportait pas qu'elle le quitte. Il reconnaît les faits, il risque 20 ans de prison. Le jeune homme est libre actuellement. Il est sous surveillance électronique. La bataille de Mossoul a démarré à 6